Bientôt ce sera l'attente, la peur, et le nom de Fukushima résonnera aux oreilles du monde entier, comme celui d'un cauchemar éveillé. La vague, elle, continuera sa route avec indifférence. Dans un an, le tsunami continuera de frapper, presque sans force, presque exténué, de l'autre côté de la planète. Il sera épuisé, presque muet, à bout de course, presque rien. Une vague d'une trentaine de centimètres, encore de quoi renverser un homme et le jeter à terre. Autour du monde. Autour du monde. De Laurent Mauvignier. Adaptation, Louise Loubrieux. Réalisation, Juliette Eman. Neuvième épisode. Tu avais couru et retrouvé ce point d'eau où tu avais vu la première fois Lazare, jouant avec un bâton et dessinant sur la terre humide comme des traces d'animaux. Lazare t'attendait. Et malgré ta peur dans la nuit de la jungle, tu avais fini par t'endormir. Il fallait qu'il soit un esprit très fort, ton fils non-né. Pour qu'aucune bête, ni tigre, ni serpent, ni singe, ni créature fabuleuse, non, personne ne t'ait touché ni blessé. Et c'est parce que tu étais protégé. Et ton silence le disait, ton regard le disait, ton indifférence le disait aussi lorsque tu n'avais pas répondu à Alec et aux autres qui t'ont retrouvé couverte de boue et affamée. Alec est un homme. Il y a tant de choses qui séparent les hommes et les femmes. Cet homme que tu aimes est comme ceux dont ta mère t'a parlé. Et il ne sait pas ce que tu as vécu, toi. Lorsque tu étais arrivé à la clinique avec ton petit tas de vêtements roses et ton petit tas de vêtements bleus. Il ne sait pas comment tu parlais dans le silence de ton ventre, tour à tour à Maya et à Lazare. Non, il ne le sait pas et ne le soupçonnera jamais. C'est sûr, ni lui, ni personne. Il ne sait pas la joie si forte et si belle à la naissance de Maya. La beauté de sa naissance. Ce bonheur que tu avais cru si fort et entier, mais qui s'était soudain effondré. Lorsqu'il avait fallu ouvrir l'armoire dans laquelle tu avais rangé tous les vêtements. Il ne sait pas. Alec ne mesure pas ton effondrement lorsque le tas de vêtements bleus était apparu à tes yeux. Si seul, abandonné, désespéré de son inutilité, comme si tu avais entendu crier, ton enfant non-né qui crie dans ton ventre. Et maintenant, de ta chambre d'hôpital, tu regardes la pluie qui lave la terre, en attendant qu'on t'apporte un plateau repas auquel tu ne toucheras pas, parce qu'il t'apparaît maintenant qu'il ne faut pas manger. Il faut laisser d'autres substances t'envahir le corps pour que tu puisses tomber dans cet état de fatigue et te laisser porter par de doux fléchissements. Regardez, il y a des fruits. Tes fonctions qui s'amenuisent et semblent paradoxalement s'aiguiser. Tes faiblesses qui te portent à la lisière du sommeil et des songes. Des rêves bizarres pour ceux qui ne les connaissent pas. Mais tu t'habitues. C'est comme vivre dans les dessins sans avoir à faire l'effort de prendre le crayon. C'est se laisser porter et laisser le monde s'ouvrir à Lazare et à Maya, à d'autres encore. Peut-être même ce père inconnu et dont tu as si souvent guetté le retour. Viendra-t-il se promener dans ton flottement heureux, à l'interstice des heures, entre chien et loup? Tu ne diras rien. Tu iras loin comme ça. Et, du dehors, les gouttes de pluie viendront caresser la vitre de la chambre d'hôpital pour te demander de laisser entrer les particules d'êtres innombrables que tu ne connais pas encore. Mais la pluie diminue et Alec est en route vers l'hôpital dans votre petite voiture. Sur le bord de la route, Alec a le temps de regarder un jeune homme qui fait du stop, le bras tendu, hésitant à sortir du champ de protection d'un parapluie jaune qu'il tient au-dessus de sa tête. Alec pourrait se dire qu'il est à peine sorti de l'adolescence. Mais ses pensées sont ailleurs, et déjà le jeune homme court vers la voiture grise qui vient de se rabattre sur le bas-côté et de s'arrêter quelques mètres plus haut. Bonjour. Allez, dépêche-toi. C'est vraiment un temps de merde. Ouais, sûr. On va être cinglé pour faire du stop par un temps pareil. Je vais à Quincy. Allez, du bol, je vais à Fairfield. C'est loin ? Ça rapproche. Après, c'est sûr, il faudra changer de monture. Hein ? Et qu'est-ce que tu vas faire à Quincy ? En fait, je vais en Floride. L'autostoppeur regarde le conducteur. Une cinquantaine d'années. Un ancien fumeur. Un repenti. S'il a une voiture pareille, il doit avoir une famille nombreuse. Non. La bagnole ne puerait pas autant le clébard et la poussière. Il continue à imaginer la vie de l'homme. Il l'imagine faisant de grandes virées dans les bois avec son chien, allant à la chasse pour oublier que sa femme s'est barrée avec on ne sait qui, ou bien qu'elle est morte et enterrée. Il aime imaginer une histoire très triste, dont l'homme aurait su tirer une leçon de vie et une profonde sagesse. Mais il n'ose rien demander. Il ne sera jamais comme son frère. Il sera toujours incapable d'inventer des histoires et d'en écrire. Et bien sûr, encore moins capable de comprendre de quoi la vie des gens est faite. Et pour le jeune homme ? Un café, des œufs avec des toasts et du bacon. Okay. Et le sourire, c'est la prime de la maison. Ouais, merci. Vince relève la tête et voit à la télévision, au-dessus du percolateur et des verres, un plan du Japon et des marques rouges qui clignotent. En haut à droite, tout le nord-est du pays est rayé en rouge. Excusez-moi, vous pouvez baisser le son ? C'est horrible ce qui se passe. Tu vas loin comme ça ? En Floride. T'es un peu grand pour Disney, non ? Comment tu t'appelles ? John. Enchanté, John. Madame ? Jocelyne. Enfin, Joss. Encore un peu de café ? Ah ouais, merci. Et c'est peut-être parce qu'il est rassasié et que son café est bon, il accepte d'entrer dans le jeu de la conversation. Il ne sait pas pourquoi, il s'entend prononcer le prénom de Mitch, son frère. Tu vas rejoindre quelqu'un en Floride ? Et dire qu'il ne l'a pas vu depuis plus de 8 ans. Je vais rejoindre mon frère. Presque 9. Il s'appelle Mitch. Et maintenant, il va retrouver son frère. Et peut-être même qu'il va s'installer chez lui, le temps de trouver du travail ou de s'installer quelque part dans le sud. Ouais. Il ne sait pas. Mais il écrit quelquefois. Pas que mon frère, et puis, sans transition, il raconte comment son frère, lorsqu'ils étaient jeunes, écrivait des histoires, des nouvelles. Et qu'il avait même écrit un roman. Mitch, il écrit des nouvelles qui parlent des hommes et des femmes. Dans des histoires de gens simples qui essaient de s'en sortir dans un monde fait pour personne. Et c'est bien ce qu'il écrit ? Je sais pas ce qu'il fait maintenant, mais... Je crois qu'il écrit un grand livre qui va tous les scotcher. C'est pour ça qu'il donne pas signe de vie. Bon bah, je vais y aller maintenant. Ok. Bah, bonne route, hein. Vous allez où ? Floride. Mmh. Un irrépressible besoin de palmiers et d'eau chaude. Ouais, on peut dire ça. Je m'appelle Clift. Cool. Et vous ? Brian. Enchanté, Brian. Bienvenue à bord. Cette voiture est plus vieille que moi. Eh oui, c'était une époque où l'Amérique était encore l'Amérique. J'ai pas connu, mais j'aurais préféré vivre en ce temps-là, c'est sûr. Moi, j'avais votre âge, et je confirme. Les gens n'étaient pas d'accord. Il y avait les Américains et les Rouges. Mais au moins, c'était simple. Les bons et les méchants, comme dans un film de John Wayne. Remarquez, c'est pas les méchants qui manquent de nos jours. Ça, c'est sûr. C'est plutôt les gentils qui font défaut. Vous trouvez pas qu'il est gentil, notre président ? C'est pas tellement mon genre. Ah bon ? Et c'est quoi votre genre ? Le genre qui aime l'Amérique et n'a pas honte de la défendre. L'Amérique, c'est les grands hommes, non ? Mais si on comprend pas que l'Amérique est en danger, que, pardon de le dire, c'est pas le bon petit nègre de Washington qui va nous défendre, on est mal barré. Tout simplement parce qu'on se laisse impressionner par... Si ça vous choque pas, je vous le dis. C'est mon avis. Oui ? Des tordus de musulmans et de juifs. Moi qui croyais que la jeunesse américaine était foutue. Là, je suis d'accord à 100%, Brian. Vous êtes sacrément mûr pour votre âge. Je regarde ce qui se passe. Moi, je dis qu'on s'en sortira pas tant qu'on ne réaffirmera pas ce que c'est que l'Amérique. Les gens sont froussards. Ils ont renoncé à tout. Vous partez en vacances ? Je vais voir mon frère. Lui, en voilà un qui sait ce que c'est l'Amérique. Il a planté nos vieux et ce petit monde de merde parce qu'il en avait sa claque de voir toutes les faces d'omelettes dans notre quartier. Et les noirs aussi. Ils ont pris tous les boulots. On leur laisse tout parce qu'on culpabilise avec les viettes et avec les noirs. C'est ça le fond du problème. On va se faire bouffer. Et mon frère, il en avait sa claque de voir tout foutre le camp. Et voir dans ma famille comme on était juste bons à fumer et à boire de la bière. Mes vieux, ils ont renoncé à tout. Mitch, il écrit depuis qu'il est petit. Ce sera un grand écrivain, comme Hemingway. Vous savez, la photo célèbre, Hemingway qui pêche, c'est en Floride. Et plutôt que de parler de votre frère, si vous me disiez ce que vous faites, vous ? Non, moi, je fais rien. J'ai pas le talent de Mitch. J'aurais bien aimé, et j'essaie de deviner ce que font les gens quand je les vois. Et vous faites ça pour quoi, au juste ? Pour rien. Avec ça, Mitch construit des personnages et des histoires. Moi, je fais ça pour rien. Je sais pas écrire. J'ai pas le talent. Et vous imaginez quoi de ma vie ? J'en sais rien. Je sais pas. Allez, Brian. Faut pas se dégonfler. Pas après les beaux discours sur le manque de courage des Américains. Alors, essayez de dire quelle est ma vie. Ben allez, jeune homme. C'est amusant comme petit jeu. Avoir vos mains et votre façon de vous habiller, je sais déjà que vous n'avez travaillé ni dans un ranch, ni dans des champs, ni rien de manuel. Je suis sûr. C'est tout ? Vous êtes plutôt du genre citadin. Vous préférez le champagne à la bière. Et puis... Vous savez où on est ? Dans une heure, on sera à Nashville. Vous allez jusqu'où ? Je croyais que vous étiez capable d'observer. C'est pas marqué sur la tête des gens ? Alors on joue plus ? Ça ne vous dit plus de me mettre à nu ? Ça ne me déplaisait pas. Il faut que ça se fasse à l'insu de la personne. Marianne, vous êtes un petit coquin, vous préférez regarder par les trous de serrure. Et tu ne veux pas essayer d'imaginer ma gentille petite femme et ma progéniture ? Non, je sais pas. Et mon petit pavillon dans ma jolie petite banlieue, non ? Non, on va arrêter là, Clift. Ça me met franchement pas à l'aise. Arrêtez. Quoi, le jeu ? Non, la voiture. Je vais descendre. Je croyais qu'on s'entendait bien, Brian. Faut pas avoir peur. J'ai pas peur. Je comprends pas ce que vous voulez. Pourquoi je voudrais quelque chose ? Je sais pas. Je le sens. Qu'est-ce que je voudrais, selon toi ? Pourquoi vous accélérez ? T'aimes pas la vitesse ? Je vous ai demandé de me laisser descendre. Et te laisser comme un petit chien abandonné sur le bord de la route ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? C'est que je t'aime bien. Entre Américains, on peut se dépanner, non ? Je suis sûr que tu m'aimes bien aussi. Eh, c'est pas cool du tout, ça, ok ? Maintenant, je veux descendre. Je suis sûr qu'on pourrait s'aimer bien tous les deux. Je crois pas, non. Je veux descendre. Faut se laisser aller, Brian. Je veux descendre. Vous ralentissez et vous vous arrêtez là, ok ? À quoi vous jouez, merde ? Tu sais, c'est pas parce que tu crois observer les gens que ça les empêche de te voir, eux. Pourquoi vous dites ça ? Observer les autres n'a jamais protégé personne de leur regard. Je comprends pas. Pourquoi tu fais du stop ? Pour aller en Floride. Ah, y a le train ? J'ai pas de rond. T'aurais pu louer une voiture ? Je sais pas conduire. Bordel, qu'est-ce que vous voulez ? Où vous voulez en venir ? Peut-être à la raison qui t'amène à faire du stop. Et ce serait quoi, je peux savoir ? Peut-être la même que celle qui m'amène à prendre des autostoppeurs. Je veux que vous vous arrêtiez. Je peux pas ici. Si. T'as besoin d'argent ? Non, j'ai juste besoin de descendre de cette bagnole. C'est facile d'avoir un peu d'argent, tu sais. Là, tout de suite, si tu veux. Pour la prochaine sortie, on s'arrête quelque part et on fait l'amour tous les deux. Tu vois, c'est simple. Tu reçois quelques billets, on reste bons amis, allez. Je suis sûr que c'est ça que tu veux. Il n'a pas le temps de terminer sa phrase. Décolle pas ! La voiture part en vrille, ou danse sur la route. Et derrière, un camion klaxonne. Et 4 ou 5 bagnoles déboulent comme des masses de couleurs, bleues, grises, rouges sur les côtés. Comme au cinéma. Le son Dolby 5.1 et l'image 3D. Est-ce que tu aimes la mort et le danger qui frôle la tôle de la galaxie? Et les moteurs qui accélèrent et les voitures faisant comme des embardées en freinant? Elles freinent, s'écartent et reprennent et relancent le moteur pour s'éloigner. Tu vas nous foutre en l'air! Vince ne bouge pas. Il regarde l'autre qui panique, qui étouffe. Les mains agrippées au volant, les bras tendus. L'odeur de pisse. Il s'est pissé dessus. Non, tu vas me laisser sortir de la bagnole, espèce de vieille salope. Sinon, on y passera tous les deux. T'as compris? Vieille pute, t'as compris? Et l'autre alors, suffoquant, blême, qui se tait. Cette suffocation qui s'écrase dans la gorge. Et son âge, ses idées. La buée sur le pare-brise. Son souffle éteint à la place de son reflet. Son haleine grise et pâle. La mort au bout de la route avec un parapluie jaune et des cheveux dansant comme des serpents sur le front et un visage beau et doux comme la solitude. La voiture se gare sur le bas-côté et le jeune homme desserre son étreinte et ouvre la portière alors que la voiture n'est pas encore complètement arrêtée. Ah, ça fait du bien. C'est bon, hein? Ouais, bah si t'avais prévenu, on aurait mis les plats dans les ventes. T'inquiète, mais... c'est parfait. C'est Mitch n'a pas reconnu son frère tout de suite. Ah, ça fait du bien, il fait chaud. D'abord, il ne s'attendait pas à le voir débarquant chez lui à Lakeland à 7h. Simplement avec un vieux sac à dos et une parka fatiguée, usée. Un pantalon rouge sale et puis cet air épuisé et crasseux d'un vagabond. Mais non, c'était parfait. Mitch et Dina, sa femme, étaient restés un moment sonnés. Incapables de dire un mot. Pourquoi est-ce qu'il vient nous trouver en pleine semaine, le soir tombé, sans prévenir? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut quelque chose de particulier? Ou est-ce qu'il a fait tout ce chemin seulement pour nous voir et renouer avec son frère? Dina entendait déjà, de la cuisine, les phrases que Mitch se préparait à dire. Les questions qu'il se préparait à poser, du genre « Comment vont papa et maman ?» Elle savait sa rage contre eux, ses parents. Aujourd'hui encore. C'est-à-dire, à travers la rage et la haine, toute la violence d'un amour blessé et non réconcilié. Cette odyssée sous la pluie, petite odyssée de merde. Et elle avait entendu les premiers mots. Des mots encore timides. La voix encore indécise de Mitch. Sa fragilité qu'elle connaissait si bien. Est-ce qu'il parle de moi de temps en temps? Ouais. Ouais, je vois. Non, je crois pas. Ça a été encore pire dès que t'as foutu le temps. Et tu m'en as voulu? De pas m'emmener. Ouais, c'est sûr. Je mentirais si je le disais pas. Je t'aurais tué. J'avais pas le choix, tu sais. Sinon, je crois que c'est moi qui aurais tué papa. Ou lui qui m'aurait fait la peau. Je crois bien qu'il en aurait eu envie. Ça, oui. Ah, t'inquiète pas, il aurait toujours pu essayer. Et maman? Bon. Elle donne toujours dans le flower power, et ça pue toujours autant le patchouli à l'intérieur et le cambouis dès qu'on sort de la baraque. Sinon, elle a pris un coup de vieux. J'aurais bien aimé que vous soyez là au mariage. C'est vrai ça? Ah oui, c'est vrai. Quand j'ai su que tu te mariais et que tu nous invitais, j'y croyais pas. Tu sais, une fois que t'as fait ta vie ailleurs, la rage diminue. T'as plus la même haine. Tu vois les choses différemment. Vince aurait voulu lui dire « Attends, Mitch. Attends. Tu ne te souviens pas de comment tu en crevais, de notre vie là-bas? Tu ne te souviens pas de comment il te faisait chier, tous les deux? Lui, le sac à bière. Tu ne te souviens pas de comment il aimait t'humilier? Tu disais toujours que son but dans la vie, c'était de te rendre aussi minable que lui, non? Tu as oublié les claques et les coups de pied au cul? Et elle, toujours à côté de la plaque, à nous gonfler avec ses années Woodstock alors qu'elle n'y a jamais foutu les pieds? Trouve une autre? Non. Tu savais qu'elle n'y avait jamais foutu les pieds. Tu sais c'est quoi sa fixette à maman? Qu'est-ce que t'appelles une fixette? Les chauves-souris. Quoi? T'as entendu parler des misères des chauves-souris? Attends, Je vais prendre une bière. Depuis 2006, il y a plus de 5 millions de chauves-souris qui sont mortes en Amérique du Nord, États-Unis et Canada compris. Tu savais ça? Non, je savais pas. Bah, c'est un fait. Ça s'appelle le syndrome du nez blanc. Déconne pas. Si, si, je te jure. La pire catastrophe du continent nord-américain depuis l'extinction du pigeon migrateur. Figure-toi, ça la rend folle. Elle parle de ça matin, midi et soir. Elle connaît tout sur les champignons. La présence fongique, comme elle dit, blanche, sur le museau des bestioles. Elle rigole pas du tout. Tu veux dire que Batman a chaud aux fesses? Non, Mitch, c'est sérieux. C'est sérieux, la chauve-souris. Figure-toi, c'est un pesticide vivant. Leur disparition coûterait des milliards à l'agriculture américaine. Eh, t'es sûr que c'est elle que ça tracasse ou c'est toi? Moi non, je m'en tape. Mais c'est pour te dire que notre mère, au cas où t'aurais oublié, c'est jamais qu'une vieille baba écolo de merde. Ouais, je sais. Enfin, elle a pas complètement tort. Si elle s'inquiétait de la disparition de ses deux fils autant que de celle des chauves-souris, je pourrais être d'accord. Mais là... Bref. Ils savent pas que t'es parti? J'imagine qu'ils ont dû se rendre compte. Vince, il va falloir les prévenir. Tu les as prévenus, toi, quand tu t'es barré? C'était il y a 10 ans. Non, à peine 9. Et ça change quoi? Ok, mais toi, c'est pas pareil. C'est pas parce que j'ai fait une connerie que t'es obligé de faire la même. Mitch, qu'est-ce que tu me dis? Tu regrettes de t'être barré de cette maison de cinglés? Non. Non, pas d'être parti, mais de l'avoir fait comme ça, oui. Il faut pas les laisser comme ça, ils vont s'inquiéter. Tu plaisantes? Ils en ont rien à foutre de ma gueule et moi j'en ai autant pour eux. Le soir même, alors qu'elle est couchée depuis déjà une bonne heure, tu vois, Mitch, écrire, c'est... Dina écoute les voix des deux frères. C'est ta mission. Et comment celle-ci remue des souvenirs auxquels elle n'a pas accès. Elle ne sait pas pourquoi. Elle se sent si irritée, si mal à l'aise. Elle espère qu'elle ne s'endormira pas avant que Mitch entre dans la chambre. Elle voudrait lui dire... C'est étrange. Pendant quelques minutes, tu vas me prendre pour une folle. Et bien sûr, tu vas m'expliquer qu'il faut que j'arrête de lire Stephen King ou de regarder la télé, mais je te jure... C'était comme une évidence que ce type pouvait tout aussi bien ne pas être ton frère. Toi-même, tu as dit qu'il avait tellement changé. Tu ne l'as pas vu depuis si longtemps. Et c'est quand il avait Connie dans les bras et qu'il lui a souri que j'ai eu ce sentiment. Et que ce sentiment était au bord de l'angoisse. Ça va, chérie? Je suis désolée, je t'ai réveillée. Non, ça va. Vous avez parlé de quoi? Rien. Des conneries. Tu sais ce qu'il m'a demandé cet après-midi? Le débarras. Ouais, parfaitement. Comme ça, de but en blanc. C'était même pas une demande. Il a dit, si je m'installe dans la pièce à côté, je sais pas où on pourrait mettre les affaires de pêche et tous les trucs. J'en suis restée soufflée. Il t'en a parlé? Je m'aperçois que je le connais pas du tout. C'est mon frère, mais je le connais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Des trucs de dingue. Même les républicains sont des affreux gauchistes, si on l'écoute. Tu veux dire quoi? Il est raciste? C'est rien de le dire. J'ai laissé tomber, mais... Et il s'est mis à rire lorsque je lui ai affirmé que j'écrivais plus. C'est pas très important. Si? Il est convaincu que... Attends, il a dit... Ta mission, Mitch. Ta mission! Comme si c'était parce que tu vois, Mitch, un truc religieux ou je sais pas. Écrire, c'est. C'est ta mission. Non, vraiment? C'est du passé, tout ça. Quoi? Ça doit faire 5 ans que j'ai pas écrit une ligne. Ça va revenir? Non, non, je crois pas. Ça me manque pas tellement, tu sais. Les 3/4 des jeunes font de la guitare, de la musique, et puis ils arrêtent. Moi, c'était pas la musique. C'est sûr. Dina ne croit pas en Mitch, en son talent, en la puissance de sa vision. C'est sûr aussi, elle ne connaît pas Mitch comme lui le connaît. Il se dit, elle veut le ramener à nos parents et Mitch ne le voit pas. Lui qui avait réussi à fuir pour se sauver, pour nous sauver et sauver quelque chose de plus grand que lui et moi. Se dit Vince en passant d'une pièce à l'autre de la maison. En longeant les couloirs. En prenant le temps de boire une bière. Puis une autre bière. Le temps de rester dehors. Et de regarder cette rue. Ce ciel chargé de nuages. Pendant des années, il a cru que son frère c'était comme le capitaine Ahab. Et qu'il ne renoncerait jamais à chasser la baleine blanche, le monstre marin. Car l'Amérique foudroie les monstres fabuleux au fond des océans et au-delà des mers. Et même la mort n'arrête pas les grands hommes d'Amérique. Il faut bien que quelqu'un ne renonce pas. Alors Vince décide d'entrer dans la chambre de son frère, et maintenant, c'est l'incompréhension qui le mine de n'avoir rien trouvé dans l'ordinateur. Pas l'ombre d'un texte. Est-ce qu'il a fait tout ça pour rien ? Est-ce que son frère peut être devenu aussi décevant que le premier venu de ces types dont il a croisé la vie un jour en voiture ? Soudain, il lui semble qu'il doit prévoir quelque chose, se prémunir. Il va falloir faire attention, être vigilant, savoir être invisible et présent, car quelque chose de confus, d'obscur, replié comme un point, quelque chose lui brûle l'esprit. Il faut pouvoir se défendre, et le mot « invisible » lui fait penser à ce fil invisible, le fil de pêche. Il entre dans la pièce qui sert de débarras, allume, va vers le matériel de son frère. Il retire les lacets de ses chaussures et coupe une longueur de fil de pêche égale à celle d'un lacet. Une fois les lacets renoués, il revient dans la cuisine. Puis il ouvre un tiroir, il prend l'un des couteaux dont il a vu Dina se servir pour couper la viande. « Ça ira », se dit-il. Autour du monde, de Laurent Mauvignier. Adaptation, Louise Loubrieux. Neuvième épisode. Avec Thibault Lacour, Alec, Alizé Soudet, JC, Rémi Fortin, Vince, Pierre Rochefort, Mitch, Catherine Tartarin, Dina, Luc-Antoine Diquero, Clift, Sophie Doll, Joss. Et les voix de Philippe Lofredo et Christine Cullerier. Composition musicale, électro et harmonique, Dominique Massa et Patrick Martinache. Contrebasse, Erwan Ricordo. Clavier, Dominique Massa. Bruitage, Sophie Bissens, Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Juliette Eman. Autour du monde est paru aux éditions de Minuit.